Aujourd'hui, le lundi 20 mai 2019, monte le volume et hume la différence car c'est parti mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Je range les jupons des années fanées au fond d'une armoire. Minuit a sonné, les rôles changer, je m'en fais plus à croire. Et celle ménage à fond. Je me ramasse en boule comme quand j'étais petite et que j'avais la grippe. Je ne pleure même plus, je ne veux plus rien savoir. Il se passe quelque chose, j'ouvre de grands tiroirs. Dans ma chambre close, je vide ma mémoire et je me cause dans le noir. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Autant qu'on perd, il faut refaire une maille à l'endroit, une maille de travers, à broder des illusions. Cendrillon est au coton. Dans mon peignoir mauve, je me métamorphose. Il n'y a plus rien à voir, sauf les roses du salon. J'ai fini de crier quand mon cœur explose. Le volcan s'éteint. À vieillir sans fin, le bal a dérisoire. Je ne supporte plus l'odeur de mes roses. Je regarde ma vie et je prends une pause. Je me repose du chagrin. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Autant qu'on perd, il faut refaire une maille à l'endroit. La seule solution est en présent, répond à mille et une questions. J'ouvre les portes. de mon balcon. Je laisse respirer ma maison. Je regarde au loin, mais n'attends plus rien de bonheur. La douceur du soir, ça n'a plus rien à voir. La douleur vient pour une petite chose. Les rides du destin se creusent au matin. Tiens, faut que change l'odeur. Je fais l'inventaire, une maille à l'endroit, une maille à travers de ma vie si légendaire. Le prince trouvera Cendrillon endormi dans du coton. Même après la chanson, le silence, c'est encore Diane Dufresne. Bah, j'ai piqué ça de quelqu'un d'autre. Ah! Et? Ah! Comment ça va? Heureux d'être heureux. Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais... au moins, même si on ne l'est pas, jouer le jeu, faire comme si, tout ton entourage en bénéficie. Fais la gueule, là ça a des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais voyons! Tandis que si tu joues le rôle du gars... Et non, le rire doit se pratiquer à la maison avant de le faire devant des gens que l'on connaît ou que l'on connaît pas. Ça, c'est très important. Mais pas juste le sourire ou le rire. La façon de discourir, le regard. Il faut regarder, il faut se voir dans le miroir. C'est pour ça que j'ai pas de miroir, moi. Oh! Ce qui revient souvent dans mon discours en dehors de la radio, parce que j'ai une vie, mademoiselle, en dehors de ma radio. Ben, paraît-il. Oui, paraît-il que tu as une vie en dehors. En dedans aussi. Mais en dedans, c'est... comme là, je suis coincé actuellement, là. M'entendez-vous le... ou attendez-vous le coin... attendez un peu, là. Ouais, le coin... oui. Bon, si vous êtes des amateurs, ou même on dira pas amateur, mais si vous êtes des habitués d'Errance rénaldienne, j'ai déjà été enfermé dans un micro. Il y a quelques années. Ça vient de me revenir. J'ai tendance, moi, quand je vois un microphone, de m'y approcher. Et comme je suis attiré par cet objet qui m'inspire énormément, je sais que vous n'allez pas me croire. Vous n'êtes pas obligé. Mais c'est la vérité. Il suffit de me placer à peine à 5-6 centimètres que le micro vient me chercher. Quand je vous dis me chercher, là, c'est pas... viens m'hypnotiser, là, viens me hanter. Non, viens me chercher mon entité complète, mon corps. Ce qui arrive, c'est qu'il m'enferme dans son micro, à l'intérieur, avec les fils, les câbles, avec ben oui, exactement, les processeurs. Parce que ce micro-là, mademoiselle, il y a un processeur à l'intérieur. C'est de la haute qualité sonore. Ce qui n'est pas de qualité, c'est la personne qui parle. Pardon? Oui, je coince à l'intérieur. Oui. Mais là, vous aimeriez savoir ce qui s'est passé la première fois où j'ai été aspiré. C'est vraiment ça, aspiré. Vous savez, un cyclone. Qui se promène partout, là. Puis là, il vient chercher. Il choisit pas. Tout ce qui est là, il aspire. Puis là, il y a la tête, il y a l'œil, il y a le centre. Il se promène là, comme un gars à 3 heures du matin qui cherche un bar puis qu'il n'y en a pas. Là, parce que toutes les bars sont fermées. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Il y a du bar. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, il n'y a pas de bar. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Qu'est-ce qui se passe? Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Il est juste 3 heures du matin. Bum, bum, bum, bum. Oh, non, non, non, non, non. Ça sent la finalité. Ça sent le retour à la maison. Ça sent la copine qui va gueuler. Ça sent mauvais. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir en fleur et on a vu en fleur. T'as voulu voir en bourg et on a vu en bourg. J'ai voulu voir en verre, on a revu en bourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé en fleur, on a quitté en fleur. T'as plus aimé en bourg, on a quitté en bourg. T'as voulu voir en verre, on a vu ses bourgs. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Pas plus loin, mais je te préviens, j'irai pas à Paris. Et d'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal, par hasard. Hey. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. Est-ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal, au hasard. Oh mais je te le redis, Georges Marcel, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanflans, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. Hey. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir en fleur et on a vu en fleur. T'as voulu voir en bourg et on a vu en bourg. J'ai voulu voir en verre, on a revu en bourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé en fleur, on a quitté en fleur. T'as plus aimé en bourg, on a quitté en bourg. T'as voulu voir en verre, on a vu que c'est pour bon. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Et je te le redis, je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, j'irai pas à Paris. Et d'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on avait du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu mon Valérien, t'as voulu voir tant, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Je rentre pour pom pom pom pom pom pom pom, me trouver quelqu'un qui va m'offrir un petit, une petite bière. Bom bom bom, 3 heures du matin, il n'y a pas grand monde à cette heure-là. Hein? Bom bom bom bom, au mois de mai, c'est, ça sent l'été. Mais à Québec, il se passe rien. Rien. Va à Montréal. Jour et New York, New York, New York. Jour et nuit. Hey, ça s'y l'est. Jour et nuit. C'est pas mon micro. C'est mon dentier. Parce que mon dentier, c'est pas de la qualité, mais mon micro, la haute technologie. Tellement haute, là, que je suis obligé de grimper, mais quand il m'a aspiré, je vais vous dire, là, ça fait combien de temps? Au moins 3-4 minutes, je fais... C'est les cheveux qui ont passé au début, parce que c'est ce qui est le plus long chez moi. J'ai le cheveu très long, madame. Ah, long de même, là. Ah, quand je lave mon plancher, là, je me place à quatre pattes. Je prends même pas de guenilles, là. Je prends pas de linge, je prends mes cheveux. Je lave avec mes cheveux. Après ça, je me lave les cheveux, madame, là. Je souffre pas de malpropreté. En tout cas, pas encore. Ça s'en vient. Je me pratique. Je me lave une fois par jour. L'été, quand il fait chaud, j'étire aux deux jours. Quand il fait très, très chaud, oh, 4-5 jours. Tu sais, quand tu sens là, l'humidité, la sueur, le gars qui roule ses pitounes. T'as-tu peur de... Non, on est revenu. T'as-tu peur de rouler ses pitounes? Parce que ça doit être très, très, très énervant pour vous, public, d'entendre la reverberation. Ah, très, très, très, là, la reverberation. Je réécoute des chansons des années 50-60, là, où ils en mettaient, puis même tout à l'heure, avant de faire mon émission, vous allez vous dire, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ta vie est-elle aussi monotone? Non, mais j'écoutais une chanson de Jacques Boulanger. Jacques Boulanger, qui est un animateur radio, comédien, chanteur. Et il y a certaines pièces musicales, là, il y a trop de réverbération, c'est épouvantable. Lui qui a quand même une belle voix, là, tu sais, une voix, oh là là, ben pas comme la mienne, là. Mais là, ils lui ont mis de l'écho à volonté. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas te quand tu vas au restaurant, pis c'est buffet à volonté. Ils en ont mis, là, exactement, ça sonne un peu comme ça, là. Ah, ah. Y en a-t-il des... Non, y en a pas assez. Plus que ça. Ah, voilà. Là, ils font chanter. Mais c'est plus de l'écho comme ça. Ah, voilà. Ça, c'est de l'écho. Là, c'est comme ça ici. C'est merveilleux. Au lieu de... Bah, ça, c'est juste... Juste et bon. Cela est juste et bon. Bon, vous pouvez en rajouter un peu, là, parce que... Bon. OK. Si je vous chante la chanson, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colle. Mais en plus, c'est pire quand t'en mets plus. Mais ça, c'est pas vrai. OK, c'est ici que ça se... Oh, un, deux. OK. Là, voilà. Parfait. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Non, c'est pas ce genre d'affaire-là que j'ai entendu tout à l'heure. Hey! Oh! Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit, c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. J'ai dit, moi, j'ai ça sur ma console. Ah, stage. Ah, c'est stage. T'es-tu sur le stage, mon Renal? Oui. Pour savoir, peux-tu enlever l'écho, merci. Pour savoir si je suis sur la scène, parce que c'est ça que tu veux dire, stage, sans doute, c'est une scène, là. Pourquoi t'as pas francisé ton beau clavier, là? C'est pas un clavier, mon champion. Je vais te raconter un peu, là. C'est une console. Console, clavier, c'est pas la même affaire. Là. Console, c'est avec des boutons. Avec aussi des interrupteurs, avec des branchements micro, branchements phono, branchements nono, branchements kilo, branchements... Hein, pardon? Et puis, l'autre, un clavier, mais c'est des pitounes. Des pitounes, mais là hein, de la... plus ton clavier coûte cher, plus il y a de la pitoune de qualité. Bon. Ce que tu cherches pendant toute ta vie, quand tu es un gars bien élevé, c'est la pitoune de qualité. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu n'en prends pas, tu ne prends pas un clavier à la hauteur de tes espérances, pendant toute une vie, tu vas en acheter jusqu'à la fin de tes jours. Mais si tu choisis le meilleur, c'est pour la vie. Un peu comme le mariage. Mais ça, c'est le côté pénible, hein, pour la vie. Pour la vie. C'est pas vrai. Pour la vie. Oh non. Pour, ben oui, j'ai signé le contrat, mon là. En 1971. Pendant que j'ai eu une faiblesse. Ben oui, vous savez, on m'a diagnostiqué après mon mariage. Ben, c'est sûr qu'elle a attendu que je me... Hein, que je chigne, là. Ils m'ont dit à diagnostiquer. Et puis ça, écoutez, depuis ce temps-là, je traîne ça comme une croix, là. Et quand j'en parle encore, même si c'est en 71, j'ai comme la gorge qui se noue. Je suis diabète. Pardon? Je suis diabète. Pardon? Hey, je suis diabète. Diabète. Mais dis-le. Ben, il dit quoi? Diabète. Ben, diabète. Je suis diabète. Mais non, vous n'êtes pas diabète. Vous êtes diabétique. Hey, c'est toi le médecin, toi, là? C'est toi le médecin. Qu'est-ce que tu connais, toi, dans le circuit médical? Qu'est-ce que tu connais dans les maladies, toi? Quand je te dis je suis diabète, je suis diabète. Mais oui, mais monsieur, vous vous exprimez mal. Hey, c'est toi. Dis donc que je mange mon vocabulaire. Vous mangez pas, vous manquez. Ah, mon Dieu, je manque bien des affaires. J'ai manqué mon émission, là. Les Incorruptibles. Avec Elliot Nice. Mais ça, c'est parce que je suis diabète, hein. Et puis... Non, vous n'êtes pas diabète, vous êtes diabétique. Hé, hey, lâche-toi, là, moi-t'là. Si tu peux cracher du sucre comme je veux, moi. Tu me dis du sucre, du sucaril. du dextrose, tout ce qui est de l'univers, du sucre, hey, du sirop d'érable. Ma bonne femme, ma bonne femme me demande régulièrement de lui régurgiter du sirop d'érable. Elle aime tellement ça dans ses crêpes, elle met ça sur ses crêpes, elle. Et puis moi, j'ai dit, ben, ça me dérange pas, mon amour, ma précieuse ridicule, ridicule. Et pardon? Voyons donc, arrêtez, allez-vous me faire répéter de même? Mon épouse, c'est ma précieuse. Ridicule. Ça fait quelle heure? Hey! Tranquille. Au pied. Fais la belle. T'es pas capable d'être au pied. Pardon? Oui, je sais. Mais ça, je sais pourquoi je réagis comme ça, moi, là. C'est mon diabète. Chose de diabète. En moi, là, c'est le diabète. Je sais, on me dit qu'il y a deux sortes, mais c'est pas vrai. Moi, c'est la troisième que j'ai. Oh, mon... Il y a des crises. Quand je me mouche, moi, c'est de la cassonade. C'est assez élevé, ça. Non, je prends plus de médication parce que je trouve que c'est encourager les entreprises pharmaceutiques et je suis complètement contre. Complètement pas. Je suis complètement dépassé depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Mais quand on arrive les médecins, ils sont pas gênés de vous dire « Monsieur Paré ». C'est moi, Monsieur Paré. « Monsieur Paré ». Nous avons une chose à aider. On doit vous parler. Venez à nos bureaux. Bon, je me déplace. Hein? Je me déplace en motoneige. Au mois de mai, mais oui, mais ma voiture est brisée. Je peux pas aller là en autobus. Je suis pas capable de lever plus parce que si je lève le pied, là, c'est très lourd pour moi actuellement. Actuellement, parce que je suis pas contrôlé. Puis je veux pas me faire contrôler. Je ne veux pas encourager les entreprises dans ma vie. Mais, alors, je peux pas lever l'autobus. Pensez pas à ça, vous, là. Surtout, pensez, c'est faux, là. Réfléchissez pas à ça. Ah, non, même pas 2 minutes, 30 secondes. Et puis, je sais, je vous entends. Ben oui, ben, il y a des organismes qui sont là pour toi. Des organismes pour te transporter. J'ai dit, ça, j'ai essayé ça une fois. Tes organismes, c'est pas satisfaisant trop. Hey, on appelle ça, oui, là, je vais vous l'entendre un peu. Ça me dérange pas de vous le raconter. C'est une belle histoire. Un peu pompeux, ça me pompe, oui. Puis moi, hein, quand je deviens rouge, là, ça vire, hein. Moi, c'est mon sucre qui vire. Ah, ça vire. Ah, ça va pas très bien. Heureusement, je suis assis. Mais là, quand j'ai appelé la première fois, on m'a dit, mon cher monsieur, on va vous donner une carte. Quand vous aurez besoin de vous déplacer, appelez à cette case sur sa tête. Il y a un numéro, composez-le, puis dites bonjour, allô, comment ça va? Comme ça. En amour. C'est ce que j'ai fait. Et puis, c'est des autobus qui viennent te chercher. Mais t'es pas le premier sur la liste. On dit, là, je suis sûr que c'est pris au hasard. On dit, mon cher monsieur, soyez prêt à 13 heures. Nous serons là vers 13 heures. Et ça, oubliez pas le verre, là. Le verre, là, j'avais le goût de le remplir de scotch ou de brandy's ou de Ça m'arrive de chanter. Mais je chante dans ma tête des ritournelles Mais c'est en prenant des transports adaptés. Ils sont pas adaptés pour nous. Ben, j'ai jamais vu l'autobus arriver à l'heure précise vers 13 heures, là. C'est, si ça part, cette affaire-là, là. Puis si les gens sont prêts, parce que je suis sûr qu'il y en a qui restent encore à la maison pour prendre un petit café. Ils sont habitués, eux autres, je sais, ils disent 13 heures, ils sont pas là vers 15 heures, on va prendre 3-4 cafés. Mais là, le gars était vraiment là à 13 heures, il attend. Là, il y a un numéro de téléphone, il appelle le monsieur. Monsieur, nous sommes en bas, pouvez-vous descendre? Hé, hey, pas fini mon café. Ouais, mais il y a plein de personnes. Si vous n'êtes pas à l'heure, tout ça rentre dans une interaction épouvantable. Et je risque d'arriver très tard vers d'autres individus qui attendent mon passage. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux, et mon corps fatigué. Et la nuit bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles queues, dont le corps sans sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et mon cheval qui boit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde, qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi. Mais on ne m'attend point, je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard. S'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Il est vrai que parfois, près du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes au rire, et les rires aux sanglots. Il est vrai que souvent la mer se désenchante, je veux dire en cela qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mer chante dans les livres d'enfants. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nu sous le lin qui dansait. C'est assez clair, ça là. Fait que moi, j'attends. C'est ta première fois. Toujours les premières fois. Ça peut être intéressant, les premières fois. Oh, j'avais 13 ans, moi, là. Mais la petite Samantha Gruyère, Samantha, elle habitait au Saguenay, mais elle avait quitté le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben, en fait, je pense que c'est le Lac-Saint-Jean qui l'a quitté. Et puis, elle est atterrie. Mais heureusement que la cigogne, La cigogne avait déjà 15 ans. Mais la cigogne, ben, était tellement heureuse de la rendre heureuse qu'elle l'a transportée dans son bec, sur son, avec la mac, là, dans son bec. Elle a volé bas, là. Elle a touché toute la garnotte, elle a touché l'herbe, elle a touché l'eau, elle a touché, puis même la fille de 15 ans, elle a touché à tout, elle aussi, ah, un papillon, ouais, un oiseau, ouais, un monsieur, bon. Et puis là, arrivé à Québec, là, c'est une autre histoire, ouais, le transport adapté, ben, il attend, il va attendre. S'il n'est pas habitué, on va l'habituer, mais hey, je pense que c'est un peu comme un chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi, là. C'est une profession, attendre, ça, là. Il est là dans sa voiture, puis attend. Ah, il est 2h du matin, il attend. Il est à son poste, là. Parce qu'il y a plusieurs postes à Québec, là. On va se donner un endroit, tiens. Le poste de Limoilou, sur la 4e avenue. OK? Donc, il est sur son poste. Il attend. Mais là, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. On est mardi. Mardi, il n'y a pas de chèque. On est le 22. Ah, mon Dieu. Fait qu'il attend. Au début, il aimait ça, écouter de la musique. Mais là, ça le stressait davantage parce qu'il voyait qu'il n'était pas là pour écouter de la musique. Il était là pour faire vivre sa petite famille, là. Sa petite famille, là, c'est 3 femmes. 6 enfants. Puis 17 maîtresses. Les maîtresses, bien souvent, c'est les passagères. Embarquent à bord, se rendent à l'hôpital, parce que, bon, ils ont un mal de cou, vont à l'hôpital, 10h du matin. Puis là, oh, mon, dans le stress, j'ai oublié mon portefeuille. Le chauffeur de taxi dit, bien, écoutez, il faut payer, mais pouvez-vous me remettre votre carte quand je vais sortir de l'hôpital? Hein? Je vais vous rappeler. Vous allez me renvoyer chez moi. Puis là, je vais aller à la maison, puis je vais vous payer. Hey, ça, il y en a entendu souvent de ça, de ces phrases-là. Le gars débarque de la voiture, dit, « Hey, attends, va aller chez nous, mon argent est là. » Ben, c'est sûr qu'il ne reverra plus. Le gars, il travaille, il fait pas une scène. Fait que là, il dit à la dame, il dit, ben oui, OK, je, là, rappelez-moi, là, hein, je vous fais confiance, vous semblez tellement sage, tellement ravi, tellement belle, j'aimerais ça vous en rendre. Et puis, est-ce que vous allez me rappeler? Ben oui, mon mal de cou, là, je vais avoir des antibiotiques ou de la médication, on m'arrive chez moi, je prendrai ma prescription avant, comme ça, je vais être très charmante, très souriante, là, j'ai un mal de cou, je m'endure même plus. Je m'endure pas, même mon mari ne m'endurait plus, il m'a mis dehors, mais hein, tout ça, c'est une autre histoire. Ça fait que, oui, mais là, soyez patient, parce que là, le mal de cou, c'est sûr que si quelqu'un arrive avec 2 jambes tranchées, mince, là, coupé mince, il faut quand même coudre ça, puis ça peut être long. Fait que moi, avec mon mal de cou, je risque de passer au moins 2-3 semaines à l'hôpital à attendre à la salle d'urgence. Elle dit, patient, monsieur? Oh, ben, il dit, oui, moi, je suis taxi. Je sais que les voix ne correspondent pas. Mais en tout cas, vous avez de l'imagination. Oh, ouais, mon chauffeur de taxi est habitué. Il m'attend. Mais là, il donne le numéro. La femme a dit, OK, merci, bye. Bon. Fait qu'elle rentre là-bas, là, au jardin zoologique des malades. Et puis, ben, elle attend. Elle est assise, elle attend, elle parle avec du monde, elle parle de leur maladie. Ah oui, mais moi j'avais 3 ongles incarnés. Ah, moi, je me suis désincarné ça, moi. Ah oui, j'ai fait des messes noires. Ça a désincarné, c'est merveilleux. Aujourd'hui, ça pousse plus. Mais il y a des moignons, des gros moignons. Des oignons? Bon, des oignons, des moignons. Mais moi, j'aime tellement ça que je grignote le matin là-dessus. Ouais, je suis comme Bugs Bunny. Lui, c'est la carotte, moi, c'est le champignon. Et puis... Si je veux, tu sais, que ça soit un peu plus olé, je me trempe le champignon dans l'alcool à friction. Moi, je te conseille 15-20 minutes, tu sais. On appelle ça vinaigré, mais c'est pas du vinaigre, c'est de l'alcool à friction. Là, après ça, tu fais sécher. Ça paraît mieux, faut pas que ce soit humide, sinon les gens vont dire « Oh, elle a fait quelque chose. » C'est pas normal. La normalité est bien importante dans notre société contemporaine. Oui, il faut avoir l'air. Même si t'as pas la mélodie, faut avoir l'air. T'as l'air fou. Ben oui, c'est juste l'air. J'ai pas la mélodie. Je pense que t'as les deux, toi. Ben oui, on dort. Je mérite ce qu'il y a de mieux. C'est quoi? Qu'est-ce qui est mieux? Selon moi, je suis pas là pour juger, moi, la meilleure maladie qu'il peut avoir. Ça fait que, oui, monsieur, la note d'alarme est à l'hôpital. Manche, elle avait trempé son doigt dans l'alcool, puis là, ça avait séché, l'alcool à friction. Pas n'importe quel alcool, madame. À friction. 90%. Et là, à l'hôpital, fait qu'elle ronge. Tu sais, ça goûte, ça fait un effet, là. Et on n'est pas loin du champignon magique, là. Là, vous voyez des ours en peluche descendre du ciel, puis elle est passée en moins de deux. C'était la meilleure façon. Elle s'est trouvée en psychiatrie pendant 2 semaines et demie. Le chauffeur de taxi attendait l'appel. Ses femmes ont accouché, ont eu des enfants. Lui, 2 semaines après, il attendait. Moi, mais ça accouche vite, des femmes de chauffeur de taxi, là, ça accouche. Ça éternue, ça vient d'accoucher. Ça a même pas besoin de faire l'amour, ça accouche. C'est naturel chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire payer le bonhomme. Fait que plus t'accouches, plus tu fais payer le bonhomme. Mais il faut aussi, je te conseille fortement, toi, si tu veux avoir des enfants avec un chauffeur de taxi, il faut que tu te divorces ou que tu le quittes. Sinon, t'as pas d'argent. S'il vit avec toi, t'auras pas. Ben, tu vas avoir son argent, mais ce sera pas. Tu vas être prêt avec le bonhomme. Fait, je te conseille fortement là, de t'arranger avant. Là, s'il reste en maison, appartement. C'est, surtout s'il y a des femmes. S'il y a une femme, ça peut être plus intéressant. Parce qu'il veut vouloir vivre avec. Là, tu peux faire du chantage. Ouais. Je pense bien que je vais avoir un écart de langage ou un écart tout court, puis je vais l'appeler ta femme. Ah non. Je connais pas l'anglais. C'est pas de l'anglais, c'est hey, non, s'il te plaît. Ah, oh, ok. Ouais. Ok, je sais pas. Champignons, puis qui commençait à avoir des hallucinations rénaldiennes. Elle riait parce qu'elle revoyait, elle réentendait, il n'y a rien à voir, c'est la radio, elle réentendait mes anciennes émissions. Oh! Ils l'ont passé, elle est restée 2 semaines et demie. Elle a rappelé le chauffeur de taxi. Ben oui, l'histoire, on va finir l'histoire. Elle a rappelé le chauffeur de taxi. Et là, le chauffeur était en beau presbyte. Il était en beau presbyte, il voyait plus clair. Là, il a dit, ah ouais, toi, embarque, puis tu vas me payer, puis si ça marche pas, là, m'a appelé la police, puis ils vont t'embarquer. Ben, attends. Calme-toi, je suis tellement bien, moi, depuis que je suis allé voir un médecin. Plus de problème. Non, mais c'est sûr, tu te manges les oignons. C'est pas des oignons, tu te manges des champignons. Ah, c'est des champignons, j'ai dit des oignons. Tu te manges des champignons trempés dans l'alcool à friction, c'est normal. Mais oui, mais pourquoi tu fais pas ça? Ah, hey, t'es plus beau là qu'il y a 2 semaines et demie. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Rien, je les ai lavés, là. Hey, on s'en va chez vous. Fait que j'espère que t'as de l'argent. Ah, je dois avoir de l'argent partout. Moi, là, hey, d'infant, d'un oreiller, en dessous du matelas, dans le frigo, dans le garde-manger, partout, dans le sang. Oh, c'est merveilleux, je te rase. Hey, il voyait qu'elle était un peu déconnectée, un petit peu, là. Mais si il comparait. Fait que là, elle arrive chez elle. Elle reconnaît même plus son chez-soi. Elle dit, suis-je chez moi? Ben, oui, voyons donc, tu m'as dit 17-17 rue de la Branlette. Appartement 7. Rue de la Branlette. Ben oui, c'est pas de ma faute. C'est pour moi qui invente les rues. Les rues sont là pour être empruntées. Alors là, appartement 7. Montez en haut, puis allez me chercher de l'argent. Puis on va finir ça au plus peu. Hein. Pas juste ça à faire, moi, là. Des femmes à nourrir, des enfants à corriger, la vie à conquérir. Ouais, je suis aussi grand qu'Alexandre. Parce que l'histoire ne dit pas que pendant qu'il s'en allait sur la rue de la Branlette, elle lui avait prêté sa main. Et il avait grignoté quelques champignons. Hey, là, lui, le bonhomme a faim, là. Ah! Si tu viens pas après 2 minutes, là, je vais monter chez toi. Fait que là, elle avait presque peur parce que, tu sais, elle a digéré tout ça, là, tranquillement, en se rendant là-bas. Elle arrive chez elle, elle trouve l'argent, elle descend en bas, elle dit, tiens! Elle dit, hey, c'est fini de même. Ben oui, c'est fini de même. Puis si t'es pas gentil, sentez-vous la morale, madame? C'est gentil, là. Non, mais ça sent l'alcool à friction, hein? Oui, c'est normal. Sentez-vous la morale? La dame aux oignons, là, elle lui a dit, au chauffeur de taxi, si tu continues comme ça, là, toi et puis moi, on va s'en aller au parc Belmont. Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour qu'on m'enferme ici pour le reste de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Il y a des jours où j'oublie qui je suis et où je suis. Come rien dit. Il n'y avait pas d'autre sortie que cet asile où je vis ma vie en voyage organisé. Aujourd'hui, le lundi 20 mai 2019, ouais, ça brasse, ça y est, l'histoire, là. Je sais pas si on va censurer ça. Je suis pas certain, on verra. Sûrement pas, non. C'est une belle chanson, sublime chanson, vraiment incroyable. Aujourd'hui, le lundi 20 mai 2019, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami. Parce que là, on peut dire que c'est mon ami, je la rencontre régulièrement à Paris. On rigole. On boit quelques verres. Moi, je bois ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Elle aussi. On boit pas les verres. Le liquide. Juste le liquide. Le solide, on laisse ça là. Ah oui, on n'est pas rendu là. Mais on s'y approche. Là. Peut-être si on se rend compte en 2019, on va boire aussi le solide. Tu sais, le verre, là, ouais, ça serait merveilleux. Hein? Pardon? Oui. Alors, unissons-nous autour de la chanteuse et actrice Adrienne Poli. Une sublime émission, je vous le jure, ça va de mon sens, on est tombé à terre, il y a juste, je vais continuer de transmettre. Pardon? Vous voulez une preuve? On y va, à partir de maintenant! Ma vie, je sais, elle commence par Z. Ma vie, je sais, c'est sur la pente raide. Depuis le temps que je suis sur un banc à regarder défiler les gens, à fumer des cigarettes. Depuis le temps ça m'inquiète. C'est quand qu'on sera heureux nous deux. C'est quand que je serai deux. C'est quand, mais ça passe le temps. Dans mon nuage de fumée, perds toutes mes clés. C'est quand que j'ai plus 20 ans, allongé dans tes deux bras blancs. C'est quand que je remonte le temps. Ainsi j'avais un croûton, je le distribuerais aux pigeons. Ainsi j'avais un million, ça serait bien, je ferais des dons. C'est quand que je serai blonde, y'aura de l'amour, y'aura du monde. C'est quand qui ça arrêteront les gens. Quand je serai une fille organisée, je serai me réveiller, je retrouverai mes clés. Gauche, droite, en paix, je sais plus où je vais. C'est quand que je serai moins emmêlé. C'est quand que je serai faire mes lacets. C'est quand, moi je vais. Regarde une mouche voler, ça me fait loucher, je sens plus mes pieds dans l'air de l'été, j'ai plus qu'à me laisser porter, allongé dans l'herbe de l'été, la clope au bec, je me sens dope, mais dans mon nuage enfumé, je vois un type, il me plaît. Aujourd'hui comme hier, je vais rien faire. suspendre, compter les astres, se retourner. Quand j'en aurai marre de moi, je pourrais toujours, ferai-je un jour, je pourrais toujours compter sur demain. Je suis plus mélancolique, misanthrope, dépressive. Demain, je serai, tout va bien. Demain, je suis plus un robot, je suis plus un Lego. Demain, c'est mon jour préféré. Ouais. Demain, je passe mon permis moto, je prends mon permis guitare. Et si je me lève pas tard, demain, préparez-vous au choc. Je remonte mon groupe de rock. Ouais. Demain, je suis un bloc. Demain, je suis un bloc d'amour. Demain, je suis un rock. Demain, je suis un rock d'amour. Demain, préparez-vous. Tu as fait un spectacle hier? Hein? Tu as fait un spectacle hier? Mon spectacle hier, ouais. À quel endroit? C'était à côté d'Épernay. Ah oui? C'est la ville du Champagne. À Châpillon. Tu vois, ouais, c'est là où il y a plein de champagne. T'as une allée de grandes maisons. Je suis allé là. Ah ouais? En 89, faire les vendanges. Et qu'est-ce que t'en as pensé alors? J'ai bu de champagne. Bah oui, c'est ça. Mais sinon, il y a un côté presque un peu sinistre, je trouve. Ah, moi, c'est en 89. Hein? Moi, c'était en 89. Ah ouais? Mais ça fait un peu sinistre, je trouve, un peu morbide, je sais pas. Pourquoi? Bah t'as ces grandes maisons très belles, tu vois, avec des milliardaires, enfin c'est oui, des gros bah, propriétaires. Oui, bah, ouais. Moi ce que j'ai vu, c'est une grande rue avec toutes les grandes maisons de champagne, les unes après les autres. Bah, oui. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de vie en dehors de ça, dans ce coin-là, tu vois. Donc c'est un peu flippant, t'as des grandes hautes maisons, peut-être pour un film de Chabrol. Oui, oui, bah oui, que tu connais. Tu vois? C'est vrai. Mais tu sens aussi que c'est très embourgeoisé, c'est très élitiste, c'est très... Ah bah oui, là c'est très riche, ah ouais. C'est où les très riches, ou alors je sais pas, il doit y avoir aussi plein de familles qui ont revendu au Qatar ou des trucs. Ah ouais. C'est très riche ou c'est très pauvre, c'est ce qu'avait l'air de dire le maire. Ah oui? Moi j'ai joué dans l'hôtel de ville, dans le jardin. Ils étaient combien? C'était marrant, alors il y avait pas mal de vieux quand même, hein. C'est pas mais il y avait aussi des jeunes, ils étaient assis, mais ils étaient contents les gens. Franchement ça c'était vraiment sympa. Combien de personnes? Pas beaucoup, c'était pas un gros truc, j'ai pas compté, je mens pas, mais je dirais genre 100, tu vois, pas oh, beaucoup. Mais intimiste. Ouais, ouais, c'était un petit truc. Et t'étais-tu avec tous les musiciens? Ouais, ouais. Et ça crachait pas mal pour 100 personnes? Ouais, ouais, c'était pas adapté d'ailleurs. Non, non. Mais c'était sympa, je voyais bien les gens, tu vois, c'était le bah, jour, ouais, ouais. Dehors, okay. On voit bien les gens. Mais préfères-tu chanter le soir ou le jour? Bon, je sais pas, mais en fait, ça m'arrive pas souvent de chanter comme ça dehors le jour. J'ai pas fait de festival d'été là et tout, tu vois. Est-ce que c'est volontaire? Non, pas du tout, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah parce que c'est le temps que je revienne. J'ai pas été. Les festivals, ça se programme 7 mois à l'avance. Ah ouais, ah mon ouais. Disque, il est sorti en janvier, ah ouais. C'était déjà trop tard. Ah ouais. Et puis ton album, la réception? Bah la presse, c'était bien. Très bien. Super presse. Ok. Oui. Donc ça m'aide. Bien sûr. Tu vois. Et tu joues aussi avec l'image, donc tu es bonne là-dedans, comment susciter la convoitise ouais. Ou... Je déteste Instagram et toutes ces merdes. Ok, ouais. Faut, en tout cas, écoute, j'ai retrouvé des gens qui aimaient bien le premier disque. Ok. Et ça suit, les salles sont pleines. J'ai pas eu une grosse tournée, mais ça continue en fait. Donc bah, en fait, terminé, ouais. J'ai retrouvé mes producteurs d'avant quand même, tu vois, qui me refont confiance. Donc on continue là, j'ai juste un truc en août, mais après j'ai une bonne dizaine de dates à partir de septembre. Des belles salles. Et puis surtout, je vais faire des nouvelles chansons en août. Donc je vais vite enchaîner pour le prochain disque en fait. Déjà? Ah bah ouais. Ah mais là ça... Bah oui, parce que là, faudrait que je signe dans... J'ai pas été signée dans une vraie maison de disques, c'est presque de l'autoprod, tu vois. Okay. On a été distribué par Because, mais on n'a pas eu de... Bah, Because, c'est quand même une maison intéressante. La presse, elle a été super, mais les ventes, mais quand t'as pas de fric, ouais. Bah, tu fais pas, y a pas de promo. Non. Tu vois? Ah ouais. Mais c'est bon, un cercle vicieux. Le truc bien, c'est les concerts, c'est de retrouver ses tourneurs. Et voilà, les puis, aussi. Et ouais, puis bah, voilà, on a un bon groupe, il va un peu changer. On va mettre des filles là-dedans. Alors tu seras pas la seule sur scène? Hein? Tu ne seras pas la seule fille sur scène. Voilà. Pourquoi tu veux mettre des filles? Parce qu'elles sont sympas, elles jouent bien. Puis tu les connais? Très mal. Hein. Okay. Mais je les ai croisées. Il y en a une que je ne connais même pas, je l'ai vue jouer juste. Mais il se trouve que c'est une amie, tu vois, du bassiste avec qui je joue. Donc il va la former. Et je l'avais vue sur scène, je trouvais qu'elle a l'air hyper sympa, hyper cool. Et il paraît que c'est le cas. Et tu cherches aussi, c'est, bon, oui, des musiciens, mais aussi des styles, des gens qui ont du caractère, qui ont un profil. Bah quoi. Ouais, je cherche un peu. Là, je trouve qu'il y a un côté encore. Il y a un côté, ouais. Ouais, je cherche ça, ben oui, ouais. Ben oui, parce que tu peux être musicien sans avoir d'envergure, comme tu peux avoir un musicien. Ah bah ouais. Tu sais, tu peux avoir la gueule du musicien, ouais, ouais. C'est ça que tu recherches. Ouais. Ouais. Et comment ton album, parce que tu l'as travaillé longtemps, il y a eu un blocage à quelque part. Il y a eu que je me suis embrouillée, hein, parce ouais. que je me suis perdue, parce que j'ai rencontré trop de gens. Puis en même temps, je ne trouvais pas quelqu'un avec qui j'arrivais à m'attacher vraiment. Donc maintenant... Vous occupez de vous? Non. D'accord, dites-moi. Et bah écoutez, qu'est-ce que tu prends, Rénal? Je t'écoute. Je t'écoute. Moi, je vais prendre un verre de rouge. Très bien. Oh non, moi je vais prendre. Je vais continuer avec mon jus de fraise. Ah, le jus de fraise, c'est quoi ça? Ça, c'est des micros. On se pose la question avec. Ah, ouais, c'est des micros. D'accord. Ah, ouais, c'est ça. Ils sont beaux, hein? En plus, ils ont eu un shampoing hier. Oui, c'est vrai, ça fait. C'est vrai que ça fait peluche, ton oui, micro. Oui, exactement. Mais c'est moi, parce que la première fois que je les avais mis, les gens trouvaient que c'était étrange. Je regardais ça de travers. C'est ça, c'est pour le vent. Donc, ça minimise le son du vent. Alors, il n'y a pas de sifflement. Ouais. Donc, c'est ça, il y a un problème là, pour la sortie. Oui, mais parce que, écoute, de toute façon, je trouve qu'on vit dans une drôle d'époque. Ouais. Complètement barge, un peu folle, intéressante. Il y a plein de trucs ridicules qu'on observe. Mais dans la musique, ça devient très formaté, comme partout. Alors, il y a aussi mais ça devient sinon aussi très léché. Il y a plein de très bons musiciens maintenant. Tu vois, qui ont tous des genres, mais c'est soit grunge, très stylisé, ou soit... très comme ça, c'est un peu ou musique de grunge, pub. Soit maîtrisé. Mais je trouve que ça manque un peu d'âme, des fois. Un peu d'âme. Alors moi, il fallait que je trouve quelqu'un avec qui je dis pas que moi j'en ai plus que d'autres, mais bon, fallait que je trouve quelqu'un avec qui je m'amuse, même en dehors de la musique, que je puisse parler, échanger. Les chansons de ton troisième album, est-ce que tu les as écrites durant ouais, il y en a qui ont été écrites depuis déjà 10 ans, et des nouvelles. C'est un mélange. Et la musique, est-ce que c'est déjà le son que tu veux y donner? Un peu. J'en ai l'idée. De toute façon, je vais faire un truc de son maintenant. Oui. Parce que, tu vois, je vais pas faire un truc comme si je vivais dans les années 60 ou autre chose. Donc, je vais faire un truc avec un son de maintenant, mais on va essayer de faire un truc qui nous plaise, tu vois. Les as-tu vérifié sur scène avant ou est-ce que tu les vérifies sur scène avant ou tu t'as fait je sais pas comment ça. Non, je pense qu'on va les enregistrer. D'abord, en fait, tout simplement, on va faire pas business, mais il nous faudrait une maison de disque maintenant. Donc, on va faire 6 titres et on va chercher une maison de disque avec ça, tu vois. Une maquette. Ouais, enfin, un peu plus poussé que maquette, mais. Okay. Pour vraiment donner le goût aux gens de. Ouais, on va entendre l'ambiance, on va entendre les chansons. Après, on pourra, c'est ce qu'on avait fait sur celui-là. On avait tout enregistré un peu en live, mais il y avait des basses qui restaient, de la maquette. Mais bon, voilà. Et j'espère qu'on va trouver. T'as pas vu mon clip? Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu ton clip. Le dernier? Non, le premier que tu m'as envoyé en privé, que tu voulais pas que j'en parle. Ah, ben ça me ferait marrer que tu le regardes. Ah, je l'ai regardé, oui. Je l'ai fait moi, là. Ah le oui? Truc. Ouais. Avec quoi? Avec un. Je l'ai mis en scène. Non, non, avec des actes. Non, non. Avec pas de fric, mais je sais pas, je me suis démerdée avec une équipe de 30 personnes. Avec une petite caméra Non, non, une caméra... professionnelle. Ouais. Ça m'amuse de savoir ce que tu en penses. Je me suis déguisée en mec. Ok. Ah oui, Mais le travail que tu fais sur scène, c'est plus libérateur qu'en studio? Non, c'est hyper intéressant, la création. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Le studio, c'est très intéressant quand on a la chance d'avoir un studio. Oui, oui, oui. Là, on va avoir un tout petit truc. Tu vois, je suis avec mon bassiste et son frère jumeau. Est-ce que tu les confonds encore? Non, pas du tout, parce qu'ils n'ont pas du tout la même expression. Ah, ok. Ils ont vraiment le même visage. Ok. Mais pas la même, parce qu'il y en a un qui vient de la scène. Alors, il est un peu buzz l'éclair. Et tu le connais d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Clément Aubert. Ben oui. Tu vois? Ben oui, je l'ai rencontré. Il a travaillé avec le groupe Minuit. Il est sympa, ouais. Il a travaillé avec le groupe Minuit. Il a travaillé avec les Raoul Petit. Voilà. Ben oui, carrément. Il résiste ici, à Blanche. Ouais. OK. Il est très sympa. Et donc, je vais bosser avec lui et son frère jumeau. Oui, et avec Gabi, avec qui j'ai fait ce disque-là, on continue ensemble. Ah, mais c'est une très bonne... Oui. très bonne acquisition. Ouais, ouais. Parce qu'il a un son, il est bon, il fait des trucs. Il est très bon, ouais, il est très sérieux. Ah oui, très, ouais. Oui, effectivement, pour son âge, il est très jeune. Ouais. 28, 29 ans. Ouais. Il a commencé à faire ça à 18 ans. Ouais. Moi, je l'ai rencontré il y a 4 ans. Tu l'as pas vu quand il avait les cheveux très longs? Non, moi, c'était. Il les a coupés quand j'ai rencontré. Ouais. Il avait l'air plus classe, là. Ouais. Mais c'est sûr que si tu te. Ben, toi, ce que tu veux, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment des musiciens qui l'ont dans l'âme, qui l'ont dans. Bah oui, je vais pas. En fait, j'aime pas les rats d'égout. Ouais, c'est ça. On et puis en même temps, c'est très dur dans la musique maintenant de gagner sa vie en faisant ça. Alors je comprends des gens qui sont musiciens, qui ont besoin d'être payés. Je comprends, tu vois. Ben oui. Mais donc, mais pour créer les chansons, c'est aussi notre histoire de créer des trucs. Alors faut se sentir quand même investi. Alors Gabi, il a été payé de rien du tout dans tout ce qu'il a fait. Ça, tu c'est vois. Triste. Donc il fait il fait d'autres trucs à côté. Okay, bon. Il fait des machins alimentaires et à côté il fait ce qu'il aime, comme pas mal de musiciens. Hein. Perdu dans la nuit d'un vieux jukebox pourri. Dans un monde ailleurs, attendant mon heure. J'suis qu'une chanson d'amour qui joue quand tout le monde est parti. Mais si tu te sens cœur lourd, si tu veux j'te tiens compagnie. I'm a girl, it's a love song, une chanson d'amour. Just a silly love song, ouais, c'est moi. You cry, my chérie, chérie. Si tu veux, on pleure. Si tu veux, on danse. J'ai pas de vocabulaire. Moi, je sais faire quoi, ouais, ouais. Mais si tu crois que ça peut le faire, si tu veux, je reste avec toi, toi, toi, toi. Anna, Michel, je m'appelle comme tu voudras. Je suis con, je suis belle. Mais à chaque fois, j'y crois. I'm a pearl, c'est une love song. Mais quand tu bouges sur moi, just a silly love song. À chaque fois, j'y crois. Till the end of the night, hold me, baby. Oublie demain. Et si tu me rejoins, alors bande planquée, on s'enferme dans le noir. Ceux qui s'en foutent de la météo, la météo. Il fera plutôt frais sur la côte nord, est-ce-tu? Préparez vos parapluies, préparez vos mouchoirs, préparez vos bottes de neige. Et surtout, n'oubliez pas, serrez très fort votre partenaire. Écoute ma voix, danse sur moi. I'm a ballon, c'est une love song. 3 minutes et je m'en vais. Just a silly love song. Non, tu peux pas me toucher, j'ai pas de sein, j'suis pas vrai. Oh oui, c'est dur, la vie. Mais quand elle est jolie, écoute ta chance avec elle. Danse, sors ta tête du jukebox. Sors ta tête, box. Sors ta tête du jukebox. Be kind with a lady, c'est si elle te sourit. Je me suis retournée. Quelle fut pas ma surprise. C'est sur toi que je suis tombée. moi qui voulais pas sortir. Il y a des jours comme ça, moi qui voulais juste dormir, et maintenant t'es là. Chut, la durée reste encore mystérieux. Chut, ne bouge pas, je suis si bien dans tes yeux. Quelle heure, à quel jour on est, j'oublie toujours. Est-ce l'hiver, est-ce l'été, je m'en rappelle jamais. Comment on s'est retrouvé là, laisse-moi deviner. Pour une fois que je t'attendais pas, et maintenant ça y est. Ne dis rien, dans tes yeux je vois le jour. Chut, ne bouge pas, reste encore mon amour. Une femme dangereuse, vraiment infréquentable. Je suis une femme amoureuse, vraiment incontrôlable. Chut, ne dis rien, reste encore dans mon lit. Chut, ne bouge pas, tu t'appelles chérie. Et dans tes bras, je suis bien, oui. Ne dis rien, laisse-moi me réveiller. Chut, ne bouge pas, laisse-moi encore rêver. Chut. Et t'as combien de chansons déjà préparées pour ton troisième opus? Là, il y en a cinq que je sais sûr. Et les autres, elles sont toutes là, faut que je fignole, tu vois, des trucs de texte, mais elles sont là. Est-ce que tu amènes les mots à tes musiciens, puis tu te dis, regarde, c'est ça que je vais avoir comme... Je suis avec Gabi, moi j'ai à peu près la mélodie déjà. Okay. Et puis après, on peut changer, il se met au piano ou à la guitare, et on compose ensemble. Et après, on va voir les deux jumeaux, tu vois. Est-ce qu'il y a un fil conducteur à ces chansons? Sens-tu quelque chose naître? J'ai l'impression qu'il va y avoir des portraits de l'époque. Ici? Ouais. Comme là. Ça, c'était un truc, quoi, plusieurs, mais... cette fille, là, super speed, super vide. Il y a peut-être un truc autour de la masse aussi, dans la masse. Se fondre dans la masse ou se... Oui, bah justement, ça parle de tout ça. Okay. Comment se sortir de la masse, comment se faire voir. Se faire rêver. Mais en même temps, bah faut être comme tout le monde maintenant un peu. Tu vois, il y a plein de petits groupes, alors c'est chiant. Tu vois. C'est tout est pareil. Mais c'est un truc autour de ce thème de la masse. Et un autre truc sur la communication, quelqu'un qui donne des ordres à tout le monde et dit « je communique, je commandique, je commande ». Nous, on appelle ça... comment on les appelle? Les directeurs de Bécosse. C'est les toilettes les de Bécosse. Les directeurs de quoi? Bécosse. C'est les toilettes de Bécosse. Le directeur de Bécosse. Ah, ça veut dire toilette Bécosse? Oui, oui. Ah, c'est marrant. Alors, celui qui dirige, là, ce qui s'imagine être un grand patron, là. Ouais. Et moi, j'ai toujours dit que la hiérarchie servait à... Attends, je dis encore que la hiérarchie sert à valoriser le minable. Oui. Enlève la hiérarchie, là, le directeur général, là, c'est quelqu'un comme toi puis moi qui essaye de se frayer un chemin, qui essaye de vivre sa vie puis qui va mourir malgré tout, comme tout le monde. Il va pas vivre éternellement parce que c'est le directeur des programmes, le directeur des ventes. On utilise souvent aussi pour impressionner un homme pour impressionner une femme. Ouais, mais moi, comme boulot, il monte sa hiérarchie. Et là-dessus, je dis toujours que la hiérarchie, ça va valoriser le minable. Oui. Après, ça peut être aussi une forme d'organisation, mais bon... Ouais, mais tu t'en vantes pas, tu le fais un point, c'est tout. Oui, voilà. Hein? Quand même. Ouais. C'est comme... Je peux me permettre de vous en... encaisser? Oui. Ça fait 9 euros, oui, s'il vous plaît. Attends, non, non, non, ça fait plaisir, non, c'est bon. T'es sûr, Renan? Oui, c'est sûr, sûr, sûr. Pas du canadien, ça fonctionne rien. J'aimerais bien y aller au Canada, moi. Au Québec, surtout? Ah ouais. Ah, j'ai juste 5 francs, je vais partir. Allez. Ah, ok. Sinon, est-ce que tu reviens après le spectacle à chaque fois ou si tu restes sur place pour... Là, bah là, on est revenu hier soir, mais souvent je reste. On reste, ouais, puis on reparle le lendemain matin, quoi. En as-tu profité pour boire du champagne? Ouais, j'ai bu une coupe. Oui, on est vraiment parti vite. Ok. Hier. Pourquoi t'es parti vite? Parce que tu avais d'autres obligations? Ouais, tout le monde rentrait. On a regretté, après on s'est dit qu'on aurait pu rester avec Gabi. Est-ce que vous louez un camion ou si vous y allez à... Tout ça, c'est... mais moi j'ai un peu de monnaie si tu veux. Non, c'est bon, c'est bon, tout est bon. D'accord. Bon. Mais non, c'est pas ça, c'est les tourneurs qui s'en occupent. Ah. C'est du jus de fraise que tu prends? Oui, c'est bon. Ça doit être trop bon. Ah, goûter avant? Goûte-y. Je peux goûter à peine? Oui, oui, oui. Ça a l'air parce que bon. Là, prends pas de vin parce que ça va tout briser. Oh oui, c'est t'as le raison. Meilleur. Ah, c'est sympa. Ça attends que... Ça descende? Ouais, c'est ça. C'est délicieux. C'est le meilleur jus de fraise que j'ai bu au monde. C'est hyper bon. Pas mal, hein? Très bon. Et c'est crémeux, tu peux vraiment les faire. Je vais m'y mettre bientôt, hein. Parce que je pars dans le sud, là. Oh! La cure. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Ouais, bah parce que je pense que c'est bien que je recommence l'année en bonne forme. Ben oui, mais là, le spectacle est dedans. Hein. C'est mes dernières verres de vin. Ouais. Je vais aller chez mes parents. Ça va être très bien, je suis très contente de vacances. Les voir. C'est des vacances? Ouais. Il vit vraiment une vie amusante là-bas dans le sud, dans un petit village, tu vois, il me raconte. Les gens, ils n'arrêtent pas de se raconter. C'est un tout petit village qui s'appelle Boulbon, ouais. Et c'est très... Parce qu'en même temps, ils sont détendus, hein. Il y a une espèce de... Mais c'est plein de gens qui s'intéressent à plein de trucs. Je pense que je vais passer des bonnes vacances. Finalement, c'est quand, au mois d'août? Là, je pars jeudi. Ah, j'ai un rendez-vous de boulot, sinon je serais déjà partie. Okay. J'ai un rendez-vous de boulot mercredi et je pars après. Et tu vas en TGV? Je vais finir d'écrire les textes. Et Gabi, après, il vient me rejoindre. Ah, là, vous allez travailler la musique? Ouais. Ah, mais c'est bien parce que tu sens vraiment que tu es reparti. Parce que l'année dernière, c'était pas ça. C'était ah ouais, j'étais fragile. C'était pas fini encore, mon disque, je m'en rappelle plus. Il n'était pas sorti non, encore. Non, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Tu sentais que ça ralentissait, mais que les chansons étaient déjà en boîte. Ouais. Mais qu'il n'y avait pas d'aboutissant. Ah oui, bah oui, je me rappelle. Fallait attendre un an avant que le disque sorte, c'est l'enfer. Ça. Ah bah la galère. Ah c'est fou. Parce que tout a été dur à faire dans ce disque. Ça m'a pris. Mais est-ce que ça s'entend, non? 7 ans avant de rencontrer la personne. Après tu fais le truc. Encore 2 ans avant de faire le machin. Et après, une fois que t'as ton disque, on te dit qu'il faut attendre un an pour le sortir. Ouais. C'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Parce que lorsque tu crées, tu vas avoir l'urgence de sortir parce qu'il y a une lettre. Parce que si tu le fais pas, l'oubli va. La chanson sera plus. T'as fait neuf, il y aura plus. Ouais. Alors après, bah, tu sais, c'est le principe. Ça, quand tu chantes sur scène des chansons, tu as des gens qui chantent leurs chansons depuis 20 ans. Ouais. Ah ouais, ouais, et ça, elles revivent toujours en les chantant, tu oui, vois. Ouais. Mais bon, mais t'as raison aussi, hein, parce ouais. que. Moi, est-ce je crois que pas tu... quand ça en va spectacle, vite. Est-ce que tu reprends toujours la chanson de Gainsbourg, L'herbe battante? Non, je ne l'ai pas reprise et je voulais la reprendre, je la trouve super. Hein. C'est vrai que c'est une belle chanson. Qu'est-ce que c'était pour vous? Mais tu l'as déjà fait ici? Non. Au mois de juillet, oui, l'année dernière. Ouais, mais je ne l'avais pas fait. Ah, tu n'avais pas fait L'herbe battante? Non. Ok, tu avais repris des chansons françaises, mais pas celle-là. Non, mais je n'étais pas. Là, tu me parles de quand tu es allé faire chanter des gens sur le banc là en haut? Non. Il y a un petit bar, c'est un genre de café-bar. Ouais. Dans le coin des Martyrs, là. Ouais. Il y a le. Comment il s'appelle? Donc, je l'ai rencontré mardi. Michou, à côté de chez Michou. Oui. Ah oui, ça y est, je me rappelle, oui. Et j'ai pas chanté L'herbe tendre. Ok, mais t'as repris. J'ai chanté Les femmes, ça fait pédé. Ah voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Oui, après. Et oui, je les ai un peu vus, ces mecs de chez Madame Arthur. Oui, Madame Arthur, c'est ça, exactement. Je les ai un peu filmés aussi, parce qu'à un moment, pour présenter mon disque, tu sais, il y a un EPK, alors j'allais dans différents endroits de Paris et je suis allée les voir eux aussi. Bah oui, c'est un lieu marrant parce que c'est un lieu de chansons depuis très très longtemps ouais. Et qu'eux, ils vivent vraiment, ils vivent là-dedans presque, on dirait, tu vois. Alors il y a quelque chose de très décomplexé, il y a une insolence un peu, puis ils sortent ces espèces de textes que moi j'aimais bien, tu vois, où il y avait un esprit en fait, quoi. Un peu plus qu'un truc donneur de leçons qu'on peut plus écouter maintenant. Un peu prêchi-prêcha ou popu chic, même plus ce que ça veut dire les mots. Un peu bobo, élitiste, chanson française. Ou t'as les faux rebelles aussi, de bling-bling, des rappeurs qui prennent juste la maille. Exactement. Enfin, après, je dis pas qu'il y a des trucs bien aussi. Hein. Est-ce que tu sens la continuité entre le premier, le deuxième et le troisième qui va naître bientôt? Bah ouais, je pense que le troisième, c'est le deuxième que j'aurais voulu faire. Ah, c'est bon. Et le deuxième, il n'est pas encore fait, mais je me dis, là, on a fait un entre-deux, quoi. Ok, c'est un avorton, entre guillemets. Non, parce qu'il y a des bonnes chansons, je trouve, dedans. Il y a des trucs qui me plaisent, mais si tu veux, on sait, comme il y avait beaucoup de textes et que le temps était vachement passé, on s'est dit, merde, faudrait faire un truc qui a un lien un peu pour retrouver un peu les gens qui avaient aimé le premier, tu vois. Mais donc, du coup, on a fait un peu comme un truc pas compromis. C'est mes chansons, tu vois, personne m'a dit d'écrire ça, mais je pense qu'il sera plus. Il va être plus fun, celui qui va venir, là. Il va être plus marrant. Il va être plus festif. Et un peu plus barré, peut-être. Un peu comme toi. Mais le personnage que tu t'es créé, parce que c'est un personnage. Ouais, c'est ça. Est-ce que. Parce que même le premier album, c'est ça qui est surprenant dans les premiers albums, il n'y a pas de son, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de signature. Mais dans ton premier, il y a une signature. Ouais. Alors, y a pas... Qui est très bien vieillie. Je trouve pas qu'il y ait beaucoup de sons. Je trouve que la musique est bien faite. Oui. Dans le premier, qu'on entend les chansons, tu en entends bien les paroles, chansons, il y a les paroles. Mais par contre, au niveau du son, si tu parles que de son, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de son. C'est un son assez neutre, disons. Il est neutre. Là, dans le nouveau, c'est un peu plus personnel. Il y a plus un parti pris. Celui, le deuxième là. Le deuxième. Okay. Il y a plus un parti pris, je trouve. Il y a un truc un peu plus original, je trouve. Il y a plus un esprit dans le son. Bon, voilà. Mais ça reste aussi assez classique. Là, on va essayer de faire un truc plus moderne, un peu plus déjanté. Le troisième, il va être beaucoup plus accompli. Ouais, j'espère. Y'a comme un truc qui décolle, comme un truc qui décolle, comme un truc qui décolle chez toi. Y'a comme un truc qui décolle, un truc qui décolle, comme un truc qui résonne chez toi. Y'a comme un truc qui t'embrouille, comme une embrouille, comme un truc qui se déroule chez toi. Y'a comme un truc qui décolle, un truc qui décolle, comme un truc qui décolle chez toi. Tu fais des gestes avec tes bras, tu fais des hauts, tu fais des A. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que t'as pris? Tu parles dur, mais qu'est-ce que tu cries? On pose sur ton canapé, tout seul dans ton salon. Pourquoi tu parles aux objets? Pourquoi tu fais des bons? Y'a personne au plafond. Y'a comme un truc qui déconne, comme un truc qui déconne, comme un truc qui déconne chez toi. Y'a comme un truc qui déconne, un truc qui déconne, comme un truc qui résonne mal chez toi. Dans ton miroir, c'est le trou noir. Dès que t'apparais, tu disparais. Je disparais. Qu'est-ce que tu fuis, qu'est-ce que t'as fait? Bonjour, au revoir, tu disparais. Pose ce couteau, tu vas te blesser. Lâche ce sac, tu vas t'étouffer. Des bleus, des jaunes, ça fait du vert. T'es un génie, je crois que c'est clair. Tout le monde le sait, c'est super. Ouais, on t'aime, mais y'a comme un truc qui déconne, comme un truc qui déconne, comme un truc qui décolle chez toi. Y'a comme un truc qui te mate, des voix qui te squattent la tête. Un truc pas net. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'as pris? T'es pas King Kong, t'es dans la ville. Reprends tes freins, ouais c'est la jungle, mais reste tranquille. Fais pas le tas, ouais ça fait du bien de lâcher tout. Fais pas le dingue, reste avec nous. Fais pas le dingue, reste avec nous. Fais pas le dingue. Y'a comme un truc qui décolle, comme un truc qui décolle, comme un truc qui décolle chez toi. Y'a comme un truc qui t'embrouille, comme une embrouille, comme un truc qui se déroule mal chez toi. Y'a comme un autre qui te mate. Des voix qui te squattent la tête, un truc pas net. Y'a comme un truc qui déconne, un truc qui déconne, comme un truc qui déconne chez toi. Pourquoi t'as pris ça? Pourquoi t'as fait ça? Vas-y, arrête ça, vas-y, arrête ça. Dans mes bras, pour t'emporter dans mes bras, sans plus tarder mon cœur, fuyons comme des voleurs. Et dans la carte postale, oublions tous tes drames, les mains dans le sable, les pieds dans le bleu. J'en veux de ta flamme dans mes yeux, maintenant. Chérie, si tu m'aimes, viens-y, viens-y, viens-y, viens-y. Dans mes bras, oui, je sais, ça fait peur. Les yeux dans les yeux. Sans crainte et sans remords, laisse-le à moi ton cœur. Si les autres femmes tu les hantes, moi tu m'auras vivante. Car c'est bien trop facile de toujours s'échapper. Ouais, je sais, t'es sensible, ouais, je sais, chérie, mais maintenant qu'on est tous les deux, si tu l'oses. Si tu l'oses, montre-toi, montre-toi, montre-toi. Dans mes bras, ouais, je sais, ça fait peur. Les yeux dans les yeux. Dans les bras de la mer, dis-le-moi. Si tu m'aimes et sans détour, vite avant que je me noie. Que tu m'aimes et pour toujours, embrasse-moi mon amour. Perdu dans le bleu, du sable dans les yeux. Non, je sais pas nager, viens me chercher, viens me chercher. Puisqu'il faut bien s'en sortir nous deux. Maintenant, si tu m'aimes un peu, ah, sauve-moi dans tes bras. Dans tes bras, oh, ouais, ça fait peur. Les yeux dans les yeux. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Dalmy. C'est juste un moment, maman. Juste un moment. Un seul coup de vent, maman. Juste un moment. Un blues qui me vient, une lumière qui s'allume, l'hiver qui revient, et dans la brume, un fil que je tire et je retrouve les souvenirs. C'est juste un moment, maman, où je pense à toi. Un seul coup de froid, maman, je voudrais dans tes bras. Une chanson traînée qui dit y a de la joie. Une photo retrouvée où t'as l'air paumé, l'air un peu triste, un peu gai. C'est juste un moment, maman, t'inquiète pas longtemps. Juste des images, maman, qui s'envolent avec le vent. La nuit qui revient, ton regard qui s'allume, mon cœur qui part et dans la brume, ma main qui te tient et qui te lâche pas. Où tu vas, où tu vas? Ton sourire quand tout allait, tes jambes de femme pressées, ton regard dépassé, des grimaces pour nous faire marrer, ta voix de basse pour nous faire trembler, trembler. Maman, maman, maman, oh ma maman. Un livre de Carole Lewis et dans les pages d'Alice, un flacon marqué mangez-moi et vite je deviens toute petite. Comme autrefois, maman, c'est moi la petite. Dans le noir du couloir, maman, je t'attends vite. Ton armoire pleine de fringues, tes talons pour marcher, une clope en guise de flingue, un coup de rouge et je m'en vais te retrouver, te retrouver. On se voit si peu, on se parle si peu. On se voit si peu, on se parle si peu. On est tout petit, on se dit que c'est pour la vie. Et puis quand on grandit, on se sent si petit, petit, petit, petit, petit. Je suis petite et petit, c'est l'amour, c'est la mort, c'est la vie. Oui. T'as souhaité? Ouais. Qu'est-ce qui te prend le crayon encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui te... Bah, en tout cas, pas l'argent apparemment, parce que c'est non, pas ça pas qui me avec ça. Non, mais donc... Mais toi, tu peux être comédienne en même temps, donc il n'y a pas de... Un amusement à le faire ça, non, mais parce que j'aime les chansons. Tu vois, je pense que c'est là que, parce que c'est un endroit où j'ai l'impression que je peux exprimer quelque chose. Est-ce que tu te considères... Mais après, comme... je trouve que c'est bien de faire d'autres trucs, faut pas faire que ça. Non, ben, c'est sur la comédie, des films. Ouais. Est-ce que tu te considères comme féministe? Bah oui. Bah oui, parce que je suis une femme. Il y a des femmes qui ne sont pas féministes. Hein. Bah oui, mais je trouve ça un peu bizarre. Ah oui, oui, exactement. Moi, je pense que quand on est une femme, on est forcément féministe. Ben, il faut s'aider un peu, hein. Bah ouais, faut pas se tirer dans le pied. À l'entraide entre femmes. Entre femmes, oui. Puis même entre hommes et femmes, et entre femmes et femmes, et entre hommes et hommes. Bah bien sûr. Voilà, c'est l'ouverture de tout. Bah ouais. Donc, qu'est-ce qui te prend de crayon? T'as pas vraiment répondu. Bah, c'est une urgence. Je sais pas, c'est quelque chose. Une chanson vient, on a une idée. Là, je suis dans ce truc de faire des chansons, donc je prends mon crayon et puis je le fais. Est-ce que tu écris souvent ou si tu écris uniquement parce qu'il y a une demande ou il y a une genre de, une urgence à l'intérieur de toi? Non, mais c'est souvent ça. C'est quoi, c'est une urgence? Bon, ça vient un peu, c'est un peu peut-être un garde de dire ça, mais ça vient un peu comme des cris du cœur ou alors... non, ou des fois, c'est juste pour se marrer, il y a un truc qui me vient, une idée. C'est la tournure de la phrase qui t'intéresse, puis tu veux continuer un texte là-dessus. Ou alors des fois c'est un thème, tu te dis ah tiens j'aimerais bien parler de ça. Ça vient de plusieurs manières en fait. Il n'y a pas une manière. Ça dépend aussi de l'événement, ça dépend aussi de des fréquentations, ouais. Tout ça, c'est l'ensemble. C'est pas juste un film qui t'amène à écrire, c'est plein d'influences. Oui, oui, bah, c'est en regardant la vie en fait. Ah oui, et de vivre aussi, c'est ça. Bah ouais. Je sais que on a parlé l'année dernière, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans qu'on s'est rencontrés? L'année dernière. Ah oui, l'année dernière parce que tu attendais pour... tu es une amoureuse de la chanson française. Tu aimes bien les anciennes chansons. Puis, tu écoutes, c'est rare quand même pour une jeune fille de s'adonner à écouter. Je n'ai plus 20 ans, Renata. Oh non, c'est pas ta chère amie. Mais c'est ça, tu aimes la chanson Gainsbourg et tous ces gens-là, mais même tu écris constamment, tu as des brides de phrase, tu récites souvent tes écrits, même si ce n'est pas des chansons, c'est des tournures. Donc, tu es constamment là, appelé par la chanson française. Donc, tu fais aussi, même si c'est du rock, c'est de la chanson francophone, donc française. Oui. Est-ce que tu veux laisser une trace ou si tu ne penses pas à ça, genre de choses? Bah, laisser une trace, non. Quand je laissais une trace, non, je voudrais vivre de mon métier. Ouais. Et tu y arrives? Pour l'instant, pas vraiment. Non, pas encore. Mais je pense que ça va venir. Ça va revenir. Avec ton troisième album, ça va peut-être lancer encore la chose. Ouais. Puis les spectacles vont suivre, donc ça va être peut-être plus serré. Voilà. Parce que là, tu en as fait quelques-uns, tu t'es fait revoir, et là, en faisant l'album, et en prenant encore, c'est encore... Voilà, j'ai remis le pied dedans. C'est quoi. Ça, oui. Alors, ça m'a permis dans la porte. Tu as le pied dans la porte et tu ne veux pas la... Voilà. Hey, j'ai 10 questions, puis j'ai hâte de voir où ça va mener. Tu les connais peut-être, je te les ai posées, mais ça peut se modifier, c'est ça qui est l'intérêt. Ouais. C'est avant et après, qu'est-ce qui s'est passé durant ça? Si tu étais un liquide. Un liquide, oui. Ton jus de fraise qui est très bon. Ah, il est pas mal, hein? Ouais. Mais là, pas mélanger avec ça, là, mais non, c'est vrai. Non, faut pas mélanger. Mais du jus de fraise de ces Chinons. Du jus de fraise du Chinon. J'aime bien la citronnade aussi. Ah oui, à bulle ou pas de bulle? Pas de bulle. Citron pressé? Ouais, avec de la menthe. Et que ça nettoie l'intérieur. Ouais. Surtout après une journée, une soirée, quand tu rentres dedans, le lendemain, tu prends ça, on dirait que ça te nettoie le... Ouais. Si tu étais une ville. Et sinon, c'est... À Paris-ci. À Paris-ci? Okay. C'est un nom inventé. Oui. C'est une de mes chansons. Ah oui, oui, du dernier. Ouais. Si tu étais une langue. Une langue? Bah, non mais l'anglais c'est bien parce que tu peux circuler un peu partout tout bêtement. Mais j'aime bien l'italien. Ah oui, le côté romantique. Non, je trouve ça très sonnant, je trouve ça marrant, je trouve ça plein de vie, hein. Je trouve que c'est beau quoi. Est-ce que ça donne le goût d'en placer une sur ton album ou ça demande trop de travail de... Là je pensais reprendre une chanson à un moment de Paolo Conte. Oh, lequel? Il s'appelle Via Con Me. Via, via, vieni, vieni qui. C'est quand il chante It's wonderful, good luck, my baby. Ouais. Ah oui, c'est bon. Puis en plus, c'est dans Slava Snow Show. Est-ce que tu connais Slava Snow Show? Non. C'est des clowns, c'est un spectacle de 60 minutes. C'est des clowns russes qui ont fait carrière aux États-Unis. Ah, ça me dit quelque chose, redis-moi le nom. Slava Snow Show. Alors, je suis pas sûre de connaître, dis-moi. C'est, ben écoute, le dernier tour, comment je peux appeler ça, sketch, c'est des clowns, OK? Et c'est plein de confettis. C'est durant une chanson de Mayer. Et là, il y a l'éclairage et il y a plein de confettis qui se tirent vers lui et que la foule reçoit. Ouais. Est-ce que ça dit quelque chose, là? Non, pas du tout. Ah. Je ne l'ai pas vu. Hein. Mais je vais noter. C'est mémorable. Mais là, imagine-toi donc le drame, c'est qu'ils l'ont enlevé. Pourquoi? Parce que Paolo Conte demandait des redevances. Ah oui, les droits. Ouais, les droits d'auteur. Mais eux avaient passé d'argent au début. Là, ils refont cette pièce, ce numéro-là, parce que, écoute, je crois qu'ils l'ont joué. Ça tombe depuis 18-20 ans. Ils ont lâché la Russie, ils ont abandonné la Russie pour venir, pour aller en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Son, c'est comme les enfants. Slava, son, show. Slava, S-L-A-V-A. Comme ça? Oui. Snow, comme... Snow, comme la neige. Oui. Et show comme spectacle. D'accord. Là, tu vas voir le clown, là, le principal, il est assez grossier, il a beaucoup de cheveux. Puis, ils ont beaucoup de vidéos, mais celui-là, tu peux l'avoir en HD, sound surround, c'est hallucinant. Parce que le clown marche sur de la neige, c'est préenregistré, et t'entends le craquement. Toute la mise en scène est sublime. Et ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est qu'ils ont quitté leur Russie dictatoriale pour faire la tournée, puis après ça, là, ils ont demandé pouvoir vivre aux États-Unis. Ouais. Et ils tournent leur show depuis 20 ans, c'est toujours la même chose. Toujours la même mais chose. Ça marche. 61 minutes, pas une seconde de plus, 61 minutes, les mêmes acteurs, puis ça fonctionne très bien. C'est bizarre hein, de faire le même truc tout le temps pendant tant d'années, c'est dingue. Ouais, mais, hein? Non, mais si ça peut te sortir de ta Russie, tu le fais souvent. Bien sûr, oui, t'as raison. Bien sûr. Chose, c'est comme Moscou à New York avec le regretté Robin Williams. Oui. Bon, le gars il sort de sa Russie, puis là, ça commence à bien fonctionner. Ce qu'il veut, lui, c'est rester avec sa copine. Ouais. Excellent film. C'est un peu la vie sans le savoir de Slava Snow Show. Comment ça s'appelle, ce truc-là? Le film avec Robin Williams? Ouais. Un roi à Moscou. Un roi à Moscou, d'accord. Ça ressemble à ça, hein? Oh, tu vas voir, si tu regardes Robin Williams, c'est 1984-85. Ouais. C'est merveilleux. Il a une scène de bain, dans un bain avec une actrice exceptionnelle dont j'oublie le nom. Elle jouait beaucoup dans les années, début des années 80. Ouais. Et je crois bien que certains réalisateurs italiens lui ont demandé de jouer dans deux, trois films et ça l'a révélé. Mais des films un peu plus obtus, moins commerciaux. Et c'est super. Hey, je t'aperçois, c'est moi là, c'est pas moi qui fais. Hey, si tu étais une époque. Une époque. Oh là, c'est un peu compliqué. Juste après la Seconde Guerre. Ah ouais. Mais après, alors, malheureusement, t'as les désastres, les souvenirs du truc. Mais j'aurais bien voulu rencontrer tout un tas de gens à cette époque-là. C'était plus sympa. Moi, j'habite dans le 6e. À mon avis, c'était plus sympa le 6e dans les années 50. Alors, sympa, je pense pas que ce soit le mot non plus, mais ça devait être plein de vie. Hein. De jazz et de poètes et de gens marrants. Tu restes encore dans l'immeuble de ta grand-mère, l'appartement de ta grand-mère? Ouais. Ok. Si tu étais un mot? Un mot? Oh la vache, c'est un peu dur. J'en aime tellement des mots. C'est un peu dur. Je sais pas. Je vais te dire je sais pas. La joie. Joie. Il y a de la joie. Ouais. Sans Charles Trenet. Voilà. Okay. Si tu étais un animal. Enfin, je représente la joie, non, mais non. C'est un mot que j'aime bien. Oui, la joie, J-O-I-E, la prononciation, l'écriture. Ça me fait pas penser à moi. Hein, Non, c'est très court et ça veut dire beaucoup. Oui, voilà. Si tu étais un animal. Un animal. Un aliment. Une tomate. Ah oui? J'aime bien les tomates. Les sardines. Ah, parce que là, j'allais enchaîner avec « Tu veux pas t'en faire tirer ». Hein? Pas t'en faire tirer. Non, non. Des sardines, ouais. D'ailleurs, j'ai déjà pensé à en amener sur scène. Pour t'étirer toi-même? Voilà, au cas où vous voulez balancer des tomates, les gars, je les ai directement sur scène. Non, mais c'était juste un flash que j'ai eu dans ma tête. Ok. Et tu réalises souvent les flashs que tu as dans ta tête? Bah, ça dépend. Là, c'est un peu trop débile. Je vois pas pourquoi je ferais ça, surtout. Bah, en même temps, les gens attendent de voir... Ouais, mais je sais pas, un truc comique, c'est pas... Ah ouais, c'est pas du bon, ouais. Ça serait tombé un peu peut-être à plat comme blague. Te dire que t'es l'homme de ma vie, te quitter dans la nuit. Un gentil, un salaud, un paumé, un macho. Seul ou mal accompagné, j'ai jamais su décider. Livré sous la vérité, j'ai jamais su trancher. Si on s'aime ou pas, si on le fait ou quoi. Décide-toi-même, et fin du problème. Je veux tout, je veux rien. Qu'on meurt, embrasser le mur et sourire, lui péter la gueule et courir, du flic de l'amour, reprendre ma cachée carrefour, me jeter par terre et gémir, bouger le V, mon corps, les bras, sourire, comme sur l'affiche, love on the beach, je veux toi si tu veux, toi, mais on vient, je veux tout, je veux rien. Que tu me plaques, que tu me comprennes, que tu te braques, mourir dans tes bras, me tirer de là, je sais plus, j'ai rien, je vois flou, je veux bien, bien. Être dans ses nuits, je veux l'ouvrir, la boucler, partir. rester. Changer de disque, changer d'air, apprendre une langue étrangère. Que lo todo, parce que ça. But who, who understand me? Qui me comprendra? Personne, puis la mer et un coup de foudre, un coup de rein. Je veux rien. Un coup de poudre, un coup de main. Je veux tout. Un coup de jeune, un coup de vieux. Je veux rien. Un coup de foudre aux yeux. And now on your diet. And kiss me, renverse-moi, oui. Je veux tout. Je veux rien. Comme sur l'affiche, my chérie. Je veux rien. Come to my beach, pas mieux si y'a rien. Comme sur la fille, je viens. C'est beau, c'est chaud, c'est wah, ah, ah, ah, ah. Non, je veux pas me lever, m'habiller. Je veux un mec, je veux un mec. Oui, c'est bête, m'allonger pour la vie. Ça m'embête, je veux un mec. Non, je veux pas un ciné, rigoler. Je veux un mec, je veux un mec. Ouais, je m'entête, mais vos airs, ça m'inquiète. Je veux un mec, viens le mec. Ton avis, j'en ai rien à foutre. Tes amis, j'en ai rien à foutre. Ton boulot et ta gym, ton mal de ta clim. Ton âme, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, même si et tes horreurs. Écoute-moi, oui je vais pas me calmer, oui je vais continuer. Oublie les fleurs, je serai pas l'heure. Attends-moi, des illusions, j'en ai pas lourd. Mais si tu me fais bien l'amour, je veux un mec, pas des fleurs. Embrasse-moi ou je meurs. Non, je veux pas. Je veux un mec, viens le mec. Ta maman qui est partie, ton papa qui est parti. Ton ex qui te hante, ta moto qui te plante. Du beau temps j'en ai rien à foutre, de la pluie j'en ai rien à foutre. Je veux un mec, pas du vent. Écoute-moi, moi je vais pas m'en prendre en main. Me calmer, prendre un petit bain. Oui je vais rester dans mon coin. Regarde-moi, ton F5 j'en ai rien à foutre. Ton argent encore moins. Mais si tu crois pouvoir t'en foutre, si t'es un mec, rejoins-moi. Je veux un mec. Plus tu veux me faire taire avec tes lèvres si t'en es un. Si t'es un mec, réponds-moi. Ton chapeau, j'en ai rien à foutre. Ton blouson, j'en ai rien à foutre. Tes vêtements, tu peux te les foutre. Sur le canapé ou ailleurs. Enlève les vitres, j'ai peur. Sur le canapé ou ailleurs. Viens, des illusions, j'en ai pas lourd. Mais à quoi bon faire des discours? Je veux un mec, pas des fleurs. Embrasse-moi ou je meurs. Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, le mec. Dans mon lit plein d'envie, viens me bander, chérie. Dans mon lit où je crie. Embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi. les histoires par cœur. Si j'ai classé battement de cœur, mais pourquoi quand chez moi elle peint, j'ai toujours un frisson d'angoisse. J'entends ses pas dans le couloir, son grand rire comme un assommoir. Je voudrais m'enfuir, mais comment faire? Elle sonne du vrai, ça y est, la voilà. Un cœur de bras qui fonce vers toi. Elle a pas tête et ça m'inquiète. Elle a pas tête, elle a que toi. Parce que quand j'ai peur, sortez-moi de la la la la la la la la. La bête qui est en moi est revenue me voir. La bête qui est en toi, dans mon miroir, je la vois. La bête qui est en toi, son regard répété, son gros cigare. La bête qui est en toi, son rire envoûté et sa repart. J'ai trouvé ce monde est fou, mais pas de panique. Et maintenant viens poupée, on va jouer. Ses bras pleins de cadeaux à donner, son rouge qui tâche, on a trop loin discuter. Et quand t'auras fini de jouer à cache-cache, viens que je te fasse une belle moustache. La bête qui est en moi est sortie ce soir. La bête qui est en toi lâchera pas la bête qui est en moi. Elle parle trop, elle boit trop, elle me fatigue, je la hais. Ça bug, ça claque dans tes oreilles, ça fait schlack. Elle est lente, elle s'accroche, un dada sur mon dos. Elle est triste, elle est cloche, un trou à la place du cerveau. J'ai bien tenté l'assommer, prendre du recul, discuter. Ouais mais voilà, pauvre quoi c'est là que moi. La bête qui est en moi, cherchez l'amour, courez toujours. La bête qui est en toi, et j'ai su l'adresser vous-même. Comme ce feu dans tes yeux qui danse, entre toi et moi se balance. La bête qui est en toi a des retours. Quand je sais plus quoi faire de ma peau, quand je deviens paralytique, quand tout déconne dans mon cerveau, c'est là qu'elle applique. Quand de mes rêves j'ai le trac et que je dors dans tes yeux, quand tout me questionne, tout m'attaque. Trop romantique, trop lucide, trop captive et le contraire. Planquez-vous les gars, ça y est, la voilà. Maillot de bain sexy et tuba assorti. Dans sa combi Gucci, en toute saison à pied. Attention, la voici, elle arrive, fait du bruit. Laissez passer la conne qui est dans. Moi je veux être une conne, avec ma pelle, mon seau. Sous le soleil qui assomme, enterrer mon cerveau dans mon décor sitcom. Laissez-moi, je suis conne. Une conne en vacances, une conne qui danse. Quelle conne, c'est ce qu'on dit quand on me voit. Quelle conne, ouais c'est moi. Quelle conne, c'est ce qu'on dit quand on la voit. Quelle conne, ouais c'est. Moi je veux être une conne, une vraie qui déconne. Et être trop crevé à force de m'éclater. Dire tout ce que je pense, même si ça n'a pas de sens. Et qu'on me trouve trop puissante, tellement je suis innocente. Avoir une cour de minée qui me regarde danser, rigoler, boire, baiser et encore picoler. Dans mon sac Chanel, dégueuler mon cocktail. Et qu'on me trouve trop mortel, tellement je suis naturelle. Quelle conne, c'est ce qu'on dit quand on me voit. Quelle conne, ouais c'est moi. Quelle conne, c'est ce qu'on dit quand on la voit. Quelle conne, ouais c'est. Quelle conne, quelle conne. pensée, mais j'ai tellement souffert. Sortez-moi de cet enfer. Moi je veux être une conne, une vraie gueule, une conne. Plus jamais réfléchir, j'ai si peur de mourir. Moi je veux être cette quelqu'un avec des copines quelqu'un comme moi et que je hais, parce qu'on se ressemblait. Dans mon joli pays, rien de grave, tout s'oublie. Cris d'amour ou de haine, c'est pareil. Moi je veux être une conne, sans raison et sans borne. Dans la glace m'embrasser et vite oublier. Oublier qui je suis, oublier qui tu es. Me suffire à moi-même et m'en foutre, tu me rappelles. Quelle conne, c'est ce qu'on dit quand on le voit. Quelle conne, quelle conne, c'est ce qu'on dit quand on la voit. Quelle conne, qui ça? Quelle conne, je sais pas. Quelle conne, quelle conne, ça y est ça redec. Quelle conne, ça y est ça redec. Quelle conne, ça y est ça redec. Quelle conne, quelle conne, ça y est je deviens. Quelle conne, quelle conne. Chers amis, si si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.